Confinement, épisode 1. L'allée est déserte, pas un bruit. Les pavillons claquent murés, les volets bien fermés. Les chiens qui d'ordinaire aboient ont perdu voix. Pas une voiture ne circule. Celles qui sont garées sur le bas-côté de l'allée, le long des pavillons de ce quartier houppé, ne roulent plus. Nous sommes jeudi. Nous aurions pu être samedi ou lundi puisque tout est à l'arrêt. Les habitants de ce lotissement des Hauts-de-Villeneuve ne sortent plus. Le couvre-feu est respecté. Il n'est même pas besoin de contrôler. La peur s'est installée dans ce quartier et chacun recroquevillé dans sa coquille de murs et de parpaings. Soudain, un chat a traversé. Un coup de feu a retenti. Le chat culbuté s'est écrasé contre le trottoir de l'allée. Ils transmettent le virus. C'est un fait établi par tous les experts, réunis sous l'égide du comité scientifique de la République en ce temps de crise. Les chats et les écureuils à queue noire d'origine américaine. Le maire nouvellement élu de la cité n'a pas hésité. Une prime de 50 euros par écureuil ratatiné, autant pour un chat écrasé. Les services de la ville, en combinaison étanche, sillonnent la cité à pourchasser les chats dans les quartiers. Ils sont quasiment débordés. Heureusement, des chasseurs expérimentés et assermentés ont été recrutés et font merveille du côté des écureuils, dans la forêt des Maniales, dans les jardins d'enfants, les ronds-points, les cours de récré des écoles fermées. Mais le bourgeois se fout de la prime. Il ne veut pas être contaminé par le chat culbuté devant son portail. Le virus est là, devant chez lui, sur ce chat gris. Comment le faire évacuer? Il n'a pas d'enfant, c'est dommage. Ils auraient pu s'occuper de l'animal, le balancer un peu plus loin chez le voisin. Les enfants ont plus de chances de ne pas être contaminés. Il réfléchit et se dit que tout compte fait, un enfant pourrait être un porteur sain. Un porteur sain chez lui, il a bien fait de ne pas faire d'enfant. Sa femme est partie. Elle a décrété que le quartier est pourri quand le décret du couvre-feu est sorti. Tant mieux. Sa femme l'aurait encombré. Il y a déjà ce virus à combattre, une guerre à gagner. Car le chef des armées a prévenu. Nous sommes en guerre. C'est une guerre. Une guerre terrible qui se prépare, l'ennemi, le virus est sournois. Il se loge dans les poils des chats et des écureuils américains. Quand il attaque l'homme, il rentre dans le cuir chevelu, ou plus bas dans les poils du torse, ou plus bas dans les poils pubiens. Un décret ordonne de se raser complètement. La physionomie humaine a changé. Tout le monde est chauve, le chef des armées, le président a donné l'exemple et s'est tondu qu'il a fait sa dernière allocution télévisée. Le porte-parole du gouvernement, tondu comme son maître, a assuré que chaque membre du gouvernement avait fait le nécessaire pour les parties plus intimes. Mais qu'il n'y aurait pas de vidéo de contrôle et l'initiative malheureuse et à contre-temps de l'un des membres du gouvernement de filmer son membre n'a pas été validée. Toutes les forces de police ont été équipées de tondeuses, malgré les plaintes de quelques historiens qui ont pu faire le rapprochement avec des événements passés en 1945. Revenons à ce bourgeois, que nous appellerons Monsieur X pour conserver son anonymat, et qui habite 32 allée des Pinsons à Villeneuve-des-Avignon, une ville la Blanche avec un portail vert. Ce n'est même pas lui qui a tiré. Lui, il les empoisonne, avec des croquettes roulées dans de la pâte à rats. Il a essayé sur son chat, c'est impeccable. Il ne meurt pas tout de suite et peut aller crever un peu plus loin dans l'allée. Pendant la journée, il surveille avec angoisse ce grand pin dans son jardin. Il y a vu un écureuil à queue noire. Il se doute que le virus le guette. Il a pourtant fait tout le nécessaire. Pas un cheveu, pas un poil, ni dans les oreilles, ni dans l'anus. Pour les courses, il a aussi fait le nécessaire. Son garage est rempli de boîtes de conserve, de rouleaux de PQ, de pâtes, de dentifrice et de lessive, d'eau potable en quantité, des sachets de purée, des soupes lyophilisées, des croquettes à chat et de mort aux rats. Pour les produits frais, il s'est arrangé avec Paul, le gérant de la supérette du quartier, celle qui vérifie les sacs à la caisse des clients de moins de 65 ans. Comme le dit Paul, un retraité, c'est rassurant. Paul lui livre ses produits frais sous le manteau, de la viande garantie sans virus, élevée à l'abri de la lumière, sans pattes et sans poils. Une nouvelle race de vaches qui fait rage. Aucun contact avec la nature, la peau rose et nue, sans prise pour le virus. Il la vend à prix d'or. Mais comme le dit Paul, la santé n'a pas de prix. Tous les jeudis, ce brave épicier dépose devant la porte du bourgeois un sachet de cette viande molle et bien rose au prix de 150 euros le kilo. L'épicier est discret. Cette viande d'exception échappe à toute réglementation paperassière. Paul la réserve à ses meilleurs clients, qui, comme il l'assure, ont tous échappé au virus. Comme il le dit, il n'y a pas de fumée sans feu. À se nourrir sainement, mes clients vivront bien mieux et bien vieux. Ce qui explique aussi qu'au prix du kilo, notre bourgeois monsieur X n'ait pas cherché à retenir sa grosse femme. Mais revenons à sa préoccupation du moment. Le chat culbuté est juste devant son portail. Le tireur ne s'est pas manifesté, manifestement pas intéressé par la prime à récupérer l'animal écrasé. Un tireur isolé? Un sniper de quartier? Et pourquoi, là, juste devant chez lui, quand il y avait toute l'allée pour le viser? Les mouches vont venir. Les scientifiques n'ont pas parlé des mouches sur les chars à tatiner, mais c'est évident, les mouches vont être contaminées. Ils n'ont pas voulu créer de panique. Faire silence sur la conséquence, tirer sur des mouches est très compliqué. Il faudrait protéger le cadavre, le cacher des insectes volants. Le bourgeois M. X évalue ses chances d'un lancer de couverture, de l'ouverture de sa fenêtre du premier étage jusqu'au devant du portail. Pour ne pas risquer de gâcher la marchandise, il essaye du haut de son escalier vers une cible pointée, la table du salon. Ce n'est pas un succès. La couverture retombe presque sur ses pieds. Il n'est pas entraîné au lancer. Il retourne à la fenêtre et s'inquiète. Croit voir des choses qui volaient autour de la tête de la bête. Les grilles d'aération. Sa maison doit avoir des grilles d'aération par où les mouches peuvent rentrer. Il faut tout boucher, tout boucher. Cela lui donne une idée. Nous sommes jeudi, c'est le jour de l'épicier, le boucher. Il appelle Paul. Il a un service à lui demander. Évacuer l'étranger stationné devant son portail dans un grand sac. Paul est un épicier sympathique. En livrant sa viande, il se fera un plaisir d'éliminer l'intrus dans un grand sac qu'il prendra soin de mener. Le soir, notre bourgeois Monsieur X ouvre le sachet de sa viande bien rose et trouve drôle, pour une vache, de trouver des moustaches.